The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Voicemail. La messagerie. To record. Enregistrer. Message on an answering machine. Le message d'accueil. Key. Beep. Le beep. Hash. Dièse. To exceed. Dépasser. Details. Les coordonnées. To call again. Rappeler. Reachable. Joignable. Now, a bit faster. Voicemail. La messagerie. To exceed. Dépasser. To call again. Rappeler. Message on an answering machine. Le message d'accueil. Hash. Dièse. Voicemail. La messagerie. Hash. Dièse. Key. Message on an answering machine. Le message d'accueil. Key. Beep. Le beep. To exceed. Dépasser. Details. Les coordonnées. Key. Beep. Le beep. Voicemail. La messagerie. To call again. Rappeler. Key. Now, use the words in context. Enregistrer. I have to record a new message for my answering machine. Je dois enregistrer un nouveau message pour mon répondeur. Le message d'accueil. Her answering machine message is really original. Son message d'accueil est vraiment original. The keys on this piano inspire me. Les touches de ce piano m'inspirent. Dépasser. Making a good coffee should not take more than 5 minutes. La préparation d'un bon café ne doit pas dépasser 5 minutes. Enregistrer. I have to record a new message for my answering machine. Je dois enregistrer un nouveau message pour mon répondeur. Le message d'accueil. Her answering machine message is really original. Son message d'accueil est vraiment original. Dépasser. Making a good coffee should not take more than 5 minutes. La préparation d'un bon café ne doit pas dépasser 5 minutes.